Dans la zone on se fait jaune avec une folle, là je ressors des geôles. Relax ta quiche, ta violette, on va grailler dans un grand resto. Abeilleur sur les épaulettes, que elle me piste, elle fait sa michto. Je veux de l'or sur les costelettes, c'est fast life comme Thomas Nguijol. Ils ont faim les petites maintenant, c'est où le rap où tu vas jobber. Y'a pas trop de solutions, tu rap un âme, c'est pas la porte à côté. Elle a mis des baskets Chanel, tout le monde la piste, elle est trop cotée. Je lui dis parle pas de friend zone, c'est Othello direct à côté. C'est guerre de bouteille, ça pose des 30K. C'est guerre de bouteille, la douche à la vodka. C'est guerre de bouteille, la vie d'Aloca. Tous ces morts le videur, comment ça je rentre pas. Ça fait des deux feuilles au carré, depuis tout à l'heure elle veut s'incruster. Mais t'as tout la coupe au carré, elle veut que des diamants incrustés. Elle est d'art, c'est ma chérie, elle crache sur moi dans toutes les stories. Dans la boîte elle envoie du sale, elle a un déhanché de malade. Je touche même pas le RS1, maintenant ça vend du temps RS3. Vas-y ramène-moi à boire, j'ai croisé la petite par hasard. C'est guerre de bouteille, ça pose des 30K. C'est guerre de bouteille, la douche à la vodka. C'est guerre de bouteille, la vie d'Aloca. Tous ces morts le videur, comment ça je rentre pas. J'fume que du bon shit, fantastique. Ta violette est dans sa plastique, j'fume du bon shit, fantastique. GT63, boîte automatique, j'fume du bon shit, fantastique. La quiche ta violette est dans sa plastique, j'fume du bon shit, fantastique. GT63, boîte automatique. C'est game de bouteille, ça pose des 30K.